laisser son champ en friche, ne pas se donner tous les soins nécessaires, ne le labourer ni le nettoyer, négliger ses arbres, ses vignes, c'était, à Rome, autant de fautes que punissait les censeurs de la perte du droit de suffrage. Un chevalier romain avait-il un cheval maigre, mal soigné? Il était noté comme coupable d'impolitia, mot qui est l'équivalent de incuria, négligence. Ces deux faits sont prouvés par des textes, et Marcus Caton en parle souvent.